Tu sais, le matin, c'est fou. Là, on n'a plus d'émission du matin. Ah non? Pour le reste jusqu'en septembre, genre. Tabarouette, ça va être long? Ben, je sais bien. Il va falloir écouter des reprises. Va falloir. À moins que tu aies d'autres choses à me proposer. Non, ben, pour l'instant, juste te remémorer des souvenirs, mettons. Ah, c'est une bonne idée. Moi, fait que reculons un petit peu la cassette. C'est bon. Pour aller rejoindre les essais classiques. Le meilleur des reprises. Oh, oui, c'est bien meilleur. Ouais. Voici les meilleurs moments d'assemblage. On recommence ça. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 29 avril 2013. Le doigt levé comme ça? Ouais. C'est notre dernière semaine, Mathieu? Ouais. Je fais le doigt, là. Ça, le vent dit que c'est la pièce, un petit vent d'été? Oui, une petite brise. Ouais. Toi, tu veux que les gens comprennent ce qu'on veut dire? Ouais. Comme ça. Précis! Une petite fessée comme ça, fesses de petit bébé. T'as-tu compris, Mathieu? Menace-moi pas de même, toi. On va commencer par contre avec c'est un film. C'est nécessaire. Chronique. Véridique. Vérifiable. Véritable. Je l'oublie tout le temps. Ah, j'étais presque fier de toi. Ah, oh, merci. Mais non. Mais non, tu m'as encore déçu. Mauve avec Motel Bonaparte. Mm-hmm. C'est bon? Oui, c'est un hôtel, c'est un appart, on sait pas. Ah. Non, on le sait. On le sait. C'est un motel. Ouais. Fais pas comme si tu savais pas. Je fais bon insignifiant des fois. Un homme de l'Inde, un Indien, un Hindou, bref, n'a pas pris son bain depuis 37 ans. Et il est la personne qui sent le plus mauvais et la personne la plus sale à jamais avoir vécu. 37 ans sans se laver. On le félicite. Puis là, ça colle à chaque fois que tu t'applaudis. Ouais. Il y avait un péteur professionnel qui pouvait imiter un canon. Le tonnerre et jouer des chansons en pétant. Oh! Bof, hein? C'est Beethoven, tu sais. On parle de Casket Girl. Un peu comme chez Flawless, il y a 500 modèles de casquettes. Une place qui vend des cercueils pourrait dire en anglais, tu sais, 500 modèles de casquettes. c'est beaucoup. Des casquettes. Des cercueils, ça. Mm-hmm. Bon, on se comprend. Ouais. OK. Jean-Philippe, comprends-tu? Oui. J'essaie de poser. Malheureusement. Merci, Simon. Merci à vous de m'avoir reçu. Hey, merci pour cette belle session aussi. Ah, t'es fin. C'était vraiment fort, fort agréable de travailler avec vous. C'est les chroniqueurs qui rendent ça le fun, hein? Eh oui, parce que nous, on s'en passerait bien. On patine. Bonne émission. Ah ben, merci. Aux auditeurs, plus que toi. Ah, ils disent merci. Hey, cool. Je suis un gars heureux, moi. Hein? En gros, t'es un gars de bonne humeur. Très optimiste. Ouais, pas du tout. Je vais me forcer. Ouais. On termine jeudi à l'assemblage requis le matin? Ben ouais. Bon. Hey, c'est rapide. Ben non, mais non, oui. Pas quand tu te lèves à cette heure le matin. Mais Jean-Philippe est pas là, mais tu sais, on l'apprécie quand même s'il dort en ce moment, puis c'est pas pour lâcher les bottes du boss parce qu'il nous entend pas. Moi, clairement. C'est ça, ça sert absolument à rien, puis c'est pas comme s'il allait nous écouter en reprise. Non, là. C'est ça, à la limite, on aurait pu passer justement une reprise le matin, puis ça aurait même pas paru. Mais on est là pour vous. Comme un chien long, dans un long. Jeu de quilles. Mais hein? Un cheveu sur la soupe. Un peu de... De la pâte à dents dans ton café. Mayonnaise, ton chandail. Ah. Comme Bill Clinton dans le temps. Ah. C'est pas de la mayonnaise. Non, mais une mauvaise. Vraiment, ben tu sais, littéralement. Je sais pas, J'ai bien goûté. On pensait pouvoir, Être tranquille. Être tranquille, s'asseoir sur nos lauriers. Laurier, tes fesses. Ben, m'asseoir sur mes fesses. Mes fesses s'appellent Laurier. Hein, avec un S. C'est ça. Mais Laurier, il y en a deux. C'est deux fesses. C'est ça. Il y a un sou, c'était ramasse dans... Non, les sous noirs, ça, j'ai arrêté ça. Là. Ça va avoir leur chair. Tu sais, mon... Je vais faire attention à mon dos. Là, ça vous paie à peine. C'est ça. Monte un minimum, David. Pour te pencher. Puis là, je suis en train. Il y a quelqu'un qui essaie de m'assassiner avec un couteau et que je dois absolument téléphoner. Qui a un 25 cents et qui me manque un 25 cents. Ben, je vais me pencher. Trouver le 25 sous avant que le psychopathe s'empare de moi. J'ai le temps d'appeler les policiers. Ce que David a pas dit, c'est qu'il y a un cellulaire dans les fesses. Ouais. Si quelqu'un veut téléphoner. Stéphanie Paradis est en remplacement de Jean-Philippe Charbonneau. OK, oui. Mathieu Planck est en remplacement de lui-même. Ben ouais, David Ferron qui est là parce qu'il n'y avait personne d'autre, fait qu'il s'est dit m'en venir les déranger. Ben oui, je fais le bouche-trou, mais je suis sûr que ça vous fait plaisir que je sois là. Ah, que tu bouches nos trous tout le temps, quand tu veux. Avec plaisir et avec profondeur. Ça a l'air qu'il y a une nouvelle mode là, pour les jeunes femmes de se saouler. Ils trempent le tampon dans la vodka. Puis Spook, ça a l'air que ça saoule, là, Spook. C'est ça qu'on appelle poker sur Facebook. Ça se met un... Bonjour et bienvenue à la dernière de la saison d'Assemblage Requis en ce jeudi 2 mai 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Champagneau. Oui, dernier matin. Wouhou! Notre sentence s'est terminée dans la communauté. Ah oui. Tu sais que ce matin, en plus, je me suis réveillé sans cadran. Et sans cadran était arrivé avant le début de l'émission pour la deuxième fois de la session. Oui, il fallait que je finisse en gras. Faut que je me confesse. Ouais. Ça m'arrive de manger une cuillère de Nutella. Ouais, c'est normal. Non, mais il y a personne qui va t'en vouloir pour ça. En fait, que le non-coupable tire la première roche. C'est quoi la phrase? Que celui qui n'a jamais mangé une cuillère de Nutella... Hein? Tire la première cuillère de Nutella. De Nutella, voilà. Exactement. OK, on l'a. Bravo. Yes. Ça méritait une main d'applaudissement. J'essayais de faire un bruit de DJ Ridou. DJ Ridou. Oui, DJ Ridou. Ouais. Puis ça ressemblait peut-être plus à un orignal. C'est donc, va. Ouais, attends. J'irais une sirène de bateau. Ah, finalement. En croisière. Ouais, peut-être. Pas pire. Jean-Philippe, toi qui imites si bien un éléphant, hein? Oui. Veux-tu essayer de nous en imiter un live direct là? Bravo! Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Ça va figurer dans les meilleurs moments de l'émission. Probablement. On les crée de toutes pièces. Maxime Bilodeau, merci beaucoup. Ça fait plaisir, messieurs. À bientôt. Bon été. Oui, à bientôt. Adieu, sinon. Oh, c'est pas vrai. Pas adieu. C'est la fête. Ben hein? Oui, ben tragique. Ben, une tragédie grecque, c'est ce qu'on fait. Ça, puis les patates frites, puis le fromage feta. Okay? Stéphanie, position feta, on l'a dit, on l'a fait cette blague-là en nom, en ton honneur, et on t'a mentionné même. Oui, je l'ai entendu, j'étais toute émue, j'étais dans ma salle de bain, puis je me brossais les cheveux, là j'ai entendu feta, puis Stéphanie, j'ai dit tabarouette. Ça n'a pas fait le meilleur moment par contre. Ben non, mais ben c'est non. Pas si c'est moi qui l'avais dit. Là, ça aurait été drôle, tu vois. Ouais. Quand moi, j'ai quelque chose, c'est pas drôle. C'est ça. On l'a vu, là. On vient de l'entendre. C'est les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 29 avril 2013. Évidemment, la session est finie. Vous l'avez entendu, on l'a dit à plusieurs reprises. C'est tout pour l'émission du matin. Pour l'instant, on va revenir en septembre. Et donc, pour l'été, les palmarès fous à assemblage requis se fusionnent. Comme un melting pot. Melting pot, une poutine. Oh. Comme disent les anglophones, une poutine. Oui. C'est comme un hybride. C'est bien à la mode en ce moment, les affaires hybrides, là. Donc, palmarès fous à assemblage requis. C'est comme notre Super Summer Show, si on veut. Ça s'appelle Assemblage requis à la plage. Oh! C'est beau, hein? C'est les jeudis entre 14h et 18h. Remarquez l'allongement de la case horaire. Les palmarès fous en ce moment sont de 15h à 18h le jeudi. Et là, on explose, on expansionne. On explose! On va être de 14h à 18h avec Jean-Philippe Charbonneau et toi. Donc, on prend le meilleur d'Assemblage requis, c'est-à-dire le co-animateur et les chroniqueurs, et le meilleur des palmarès fous, la co-animatrice et la musique, ensemble avec moi, chose, là, Mathieu Plante. Et... Détail. Oui, c'est ça. Il y a un paquet d'affaires de plage, un paquet d'analogies de plage ou des planalogies. Justement, faudrait être là à 13h30 la semaine prochaine. J'ai fait livrer le sable pour le studio. OK, il faut être ici de bonne heure. Là. Oui, c'est ça. Pour, juste une demi-heure à l'avance, c'est pas même de temps, ça. Non, mais c'est parce qu'il y a plusieurs gars là, qui vont venir vider ça. Il faut qu'on déborde le studio puis ils vont nous installer tout le sable par terre pour se mettre les pieds dans le sable et tout. Le studio est construit, en fait, sur un resort. Exactement. Le resort de Sifu. Ouais, et le sable, d'habitude, serait sur la plage. Nous, on est dans le resort à côté. Fait que pour pouvoir créer l'ambiance de plage jusque dans le studio, ils vont nous faire une grosse lignée de sable du resort jusqu'à la plage. Avec des pétales de rose et des cocktails tout le long du dessus. Un tapis rouge, là, tout ce que tu veux. Ça va être magnifique. On va avoir un bar, on va avoir tout le kit. Le resort. Des colliers à fleurs. C'est clair. La petite musique, là, genre Aïe Caramba, Ukulele, Surfing USA. Moi, je mélange tout. Là. C'est ça. David Ferron en chess, évidemment. Pourquoi? Tout le temps. En permanence. Non, mais moi, de ce que j'ai entendu, les rumeurs, c'est qu'on animait tout nu. Parce que... j'ai pas eu le mémo. Ben non, mais c'est parce que c'est de ta faute. Non, mais c'est un camp nudiste ou c'est pas un camp nudiste? Là? Je pense qu'on n'a pas eu les mêmes informations. Moi, j'étais persuadé depuis le départ que c'était un club de nudistes. Vous m'avez dit non, Mathieu, pas que je sache. Ça, c'est Jean-Philippe qui m'a dit ça. Mais on n'aura pas le choix à t'oublier maillot de toute façon. C'est ça. Donc, à un moment donné, ben, on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire rien. C'est ça. Voilà. Quelle belle chose! Assemblage requis à la plage à partir du jeudi 9 mai à 14h. Si je ne me trompe pas dans mes dates. Oui, c'est bien. Ça. 9 mai. Soyez-y, 14h. Ça va rejouer les samedis à midi et dimanche matin à 10h, toi. OK. Bonheur pour aller sur la plage? Vous me dites non, pas du tout. Jamais. Il n'y a jamais trop de bonheur.